Cette intersection, je suis autorisé à tourner à gauche. Ce panneau impose une technique particulière pour le faire. Il est interdit de tourner à gauche depuis la route sur laquelle je circule, afin de ne pas gêner les véhicules qui continuent tout droit. Pour tourner à gauche, je dois dans un premier temps tourner à droite, puis prendre à gauche, et enfin traverser la route. Mais dans un premier temps, je dois indiquer que je quitte la route vers la droite, avec le clignotant à droite. Réponse B.